J'mène un combat triste avec trop de gens, j'reste incompatible. J'vois des compardistes blessant comme un compapique. La France une pompe à frites, trop de moutons compatissent. Un fusil à pompe ma bite, faut que ça pète comme des bombes d'Afrique. Trop de temps passé à l'père, j'crois que c'est eux qui veulent ça. Nos projets restent à terre, ils nourrissent nos cauchemars. T'as l'impression d'être suivi, on est pareil frérot. Tu te dis qu'il faut fuir vite, trop de putes à l'apéro. En connaissance de cause, mieux être seul que mal accompagné. J'veux shooter le panier, gagner pas caner. Malchanceux du kélo, galérien tu connais. Découvert trop connu qu'on vote par des connards. Cherche jamais les embrouilles, elles me trouvent toujours seul. Mon regard rend-il long, croix Damoclès Marcel. À croire qu'il y a de la merde partout, que j'ai deux pieds gauche. Que les gens m'espionnent, qu'un accident guette ma débauche. Je crois que tout est contre moi, suis-je paranoïaque? Je suis pire qu'une vieille qui croit qu'on planque un flingue par un oracle. Parano car le regard de l'homme a pris une cour d'assises. T'as peur de l'adultère alors tu te forges un cœur d'acier. À qui la faute-t-il? Parfois la vie me semble interminable. Parce que mon père nous a lâchés, je ne veux pas être interminable. Apparemment parano, je prends tout de façon personnelle. Je perds sommeil, j'ai peur de l'avenir, j'emmerde la mer soleil. J'envie les sourds car vos paroles sont éphémères. Même mon regard froid me pousse à me méfier de l'effet de serre. Je suis parano, mais mes problèmes sont les coupables. N'es-tu pas parano quand tu rejettes la faute sur les toubabs? Quand je pense dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, j'ai peur de nos engueulades qui me feraient péter une soupape. Je crois, je pense, aucune confiance en moi-même. Donc mon combat commence par la détruire les doutes qui me malmènent. J'suis parano frère, parce que les gens me déçoivent. J'appréhende chaque regard, chaque bagarre en reçoit. L'état braquette mes sous, les bâtards vont me baisser. Ma chanceux depuis le perso, faut que je tente mes autres. J'suis parano frère, parce que les gens me déçoivent. J'appréhende chaque regard, chaque bagarre en reçoit. L'état braquette mes sous, les bâtards vont me baisser. Ma chanceux depuis le perso, faut que je tente mes autres. J'ai l'impression que je vais caner avant que ma femme accouche. Qu'on a pointé en silencieux derrière le rideau de ma douche. J'dis des trucs sur internet, peut-être que les cyberstars me piquent. J'ai pas peur d'errer dans les ronds, juste qu'une vie perfat me pique. La MJ organise bille, les chutes d'embarque sans alibi. 100% de galère statistique, faut que j'l'emmène à Venise ville. Vite, faut se blinder dans la charre de vente. Tu veux me baiser, pédé, t'inquiète pas que c'est à charge de revanche. J'suis parano frère, parce que les gens me déçoivent. J'appréhende chaque regard, chaque bagarre en reçoit. Tu méfieras des blablateurs, genre t'inquiète, j'te gère le coup. Quitte la métro à l'envers et tout dire ça, j'y gère le coup. Trop de caméras de sécurité qui ne servent qu'à faire des alibis. T'es espionné, H24, un sale plan, taille et vite. C'est la nouvelle manie, vanille. Les jeunes sont pas avec la vie, ils peuvent pas traîner la nuit, manie. Dans la lune salie, j't'affire. J'suis parano frère, parce que les gens me déçoivent. J'appréhende chaque regard, chaque bagarre en reçoit. L'état braquette mes sous, les bâtards vont me baisser. Ma chanceux depuis le perso, faut que j'tente mes autres. J'suis parano frère, parce que les gens me déçoivent. J'appréhende chaque regard, chaque bagarre en reçoit. L'état braquette mes sous, les bâtards vont me baisser. Ma chanceux depuis le perso, faut que j'tente mes autres.